préférée, d'une chanteuse bien roulée qui chante du R&B. De toute façon, j'écris qu'il pisse encore au lit. Mais un matin, quelle horreur, son verre a pris. Elle y a écrit des dictons et des citations de Coluche à Verlaine en passant par Platon. C'est le genre de phrase qui dit des photos de toute sa famille qu'elle regarde à chaque fois avec les yeux qui brillent. Et c'est le genre de photo où on a des gueules de blaireau, on a des boutons jusqu'au cou et des cicatrices plein les genoux. Le jour où ma mère m'a dit que j'étais privée de sortie, qu'en allant à droite à gauche j'allais gâcher ma vie. De toute façon j'écris que ma mère elle est même pas jolie. Mais un soir, quelle horreur, elle me l'a pris. Avec le beau Gérard, que j'ai cru enfin savoir ce que c'était qu'un homme. Mais j'y ai aussi écrit que je préfère Jérémy. Mais à force de fouiller, j'ai en plein trouvé. En fait, mon journal intime, c'est ma meilleure copine. Je lui ai tout raconté, il a tout répété. La prochaine fois, je dirai du mal, je planquerai mieux mon journal. D'ailleurs, je ne ressortirai que dans une dizaine d'années. Hey!